vous plaît, mesdames et messieurs. La pluie irlandaise. La pluie irlandaise, et comme toutes les pluies, à une ou deux différences près, par exemple, son débit incessant, permanent, du soir au matin, même la nuit, avec le vent irlandais qui se mêle à la partie. La pluie irlandaise est incroyablement mouillée, et elle te fait partager le bonheur d'être trempé. Quand la pluie irlandaise se décide à se calmer, elle te laisse avec son acolyte nommé l'humidité. Et il pleut sur la River Lee qui ne demande qu'à déborder. Et il pleut sur mon parapluie indispensable toute la journée. Engagez-vous qui disait voilà l'arroseur arrosé. Il pleut tellement dans ce pays, tant qu'il faut boire pour oublier. One Guinness please, one Beamish please, one Muffins please. Quand le ciel pleure à grosses gouttes et qu'il faut courir coûte que coûte, quand la pluie rétrécit la route et la transforme en piscine géante, que les voitures passent en trombe et t'éclaboussent, alors tu tentes un petit sourire fataliste. Et je suis trempé, ça me dégoûte sous la pluie irlandaise. Parfois j'ai peur de me noyer sous la pluie irlandaise. Parfois j'ai peur d'être inondé, mais quand le soleil irlandais vient à pointer le bout de son nez, c'est juste pour dire je sais très bien qu'ici, pas le temps de sécher, pas le temps de profiter, que les nuages sont arrivés. Mais quand le ciel irlandais se décide à se calmer, au diable exigence, rien peut nous contenter. Et la pluie irlandaise mérite bien sa renommée. Et la pluie irlandaise, un standing à respecter. Et la pluie irlandaise, un si beau pays à arroser. Et la pluie irlandaise, et c'est parti pour un petit reggae. Oh yeah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. La pluie irlandaise mérite bien sa renommée. La pluie irlandaise a un standing à respecter. La pluie irlandaise a un si beau pays à arroser. La pluie irlandaise, c'est parti. La pluie irlandaise mérite bien sa renommée. La pluie irlandaise a un standing à respecter. La pluie irlandaise a un si beau pays à arroser. La pluie irlandaise, c'est parti. Pour la journée, pour les journées, toutes les journées. Toi-même filière, tu sais. Merci.